Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Campus FM 94 FM pour le début de la quatrième saison du Nid de Pie. Merci d'être toujours à l'écoute, j'espère que ces nouvelles émissions animalières vont continuer à vous plaire. Dans la chronique, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un oiseau tantôt caricaturé, moqué et devenu l'emblème, bien malgré lui, des espèces disparues. Je veux bien sûr parler du dodo. Pour l'interview, je suis ravie, honorée et très excitée à l'idée de vous révéler l'identité de l'invité du jour. J'ai eu la chance incroyable de rencontrer Pierre Déhomme, le créateur du magazine La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Et il a eu la gentillesse de répondre à mes questions. On part donc dans les Ardennes pour retracer la genèse de ce journal pas tout à fait comme les autres. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Décrit comme un animal maladroit, pâteau, voire complètement stupide, la réputation du dodo n'est pas vraiment flatteuse. Mais que savons-nous réellement de lui aujourd'hui ? Cet oiseau est endémique de l'île Maurice, située dans l'océan Indien, au sein de l'archipel des Mascareignes, à l'est, au large de Madagascar. Cet archipel comprend également l'île de la Réunion et celle de Rodrigues, ainsi que plusieurs petits territoires. Ces îles sont décrites par les Européens au début des années 1500 et les premiers témoignages de l'existence du dodo datent de 1598, quand des marins hollandais font escale sur l'île pour se ravitailler lors de leur long périple en mer. Notre dodo, donc, est décrit comme un oiseau rond et gris d'environ 60 cm de haut pour un poids estimé entre 9,5 et 14,3 kg. Un bon bébé dont le poids l'empêchait de voler. Il appartient à la famille des colombidés qui comprend nos pigeons et tourterelles actuelles. On pourrait le comparer au goura couronné, un oiseau endémique de Nouvelle-Guinée, plus gros représentant vivant de cette famille, qui vole peu et qui est reconnaissable à sa houppette de plumes sur le dessus de la tête. La chercheuse Jade Bruxo nous en avait parlé dans l'épisode numéro 11 de cette émission. On sait aujourd'hui que le pigeon de Nicobar, un pigeon muni d'une collerette de plumes qui brille de mille feux, est l'animal vivant le plus proche du dodo génétiquement. On lit souvent que le fait d'être boulotté par les humains cause l'extinction du dodo. Il est vrai que, même si sa chair n'est pas fameuse, les marins le surnomment l'oiseau dégoûtant car il est si coriace qu'ils doivent le faire cuire pendant des heures. Le fait qu'il soit comestible, incapable de voler et pas deux fois trop heureux en font une proie facile. Mais c'est surtout l'introduction de nouvelles espèces sur l'île qui lui cause le plus de tort. Avec l'humain, les macaques, chats, rats, cochons et chiens pullulent. Ils se régalent des œufs et des poussins et participent grandement à sa disparition. Résultat des courses, entre 1662 et 1693, à peine 100 ans après avoir été découvert par les Européens, l'espèce s'éteint. On l'ignore souvent, mais le dodo avait un cousin, moins connu, présent sur l'île voisine de Rodrigues, qui vit une histoire assez similaire. Le solitaire ou dronte de Rodrigues. On sait peu de choses de ce voisin discret. Tout comme le dodo, il ne pouvait pas voler et était d'une taille imposante, comparable à celle d'un cygne. On le décrit cependant comme élégant. Des analyses de squelettes révèlent chez le solitaire une différence de taille entre les mâles, de 79 cm de haut, et les femelles, qui n'en font que 66. La plupart des témoignages vis-à-vis de cet animal proviennent des carnets d'un Français, le protestant François Legat, qui vécut sur l'île en exil entre 1691 et 1693. Ces observations sont très précieuses car ce sont quasiment les seules faites du vivant de l'oiseau à avoir survécu jusqu'à nous. Le solitaire aurait disparu un peu après le dodo, entre 1730 et 1760, pour deux multiples raisons, et notamment l'introduction d'espèces envahissantes. À cette époque, les marins chassent les tortues terrestres géantes, disparues depuis, avec une efficacité implacable. Ils brûlaient toute la végétation de l'île. Résultat assuré. Ils pouvaient donc débusquer les tortues, mais aussi toutes les bestioles qui se trouvaient là, comme notre solitaire. Les deux cousins ont donc connu le même funeste destin. La disparition précoce du dodo complique bien sûr la compréhension de son mode de vie. Quel cri poussait-il ? Vivait-il en couple, comme nos pigeons actuels ? Mystère. De manière surprenante, les témoignages réalisés du vivant de l'animal sont relativement rares, alors que les oiseaux étaient capturés et transportés vivants sur des bateaux avec des témoins qui auraient pu les décrire. Quelques dessins réalisés par des marins ont survécu jusqu'à nous, mais s'ils représentent une trace indéniablement précieuse, les détails naturalistes sur le comportement de l'oiseau manquent cruellement. Une étude parue en 2017 dans le journal Scientific Reports par l'équipe de Delphine Angst nous donne tout de même quelques pistes sur leur mode de vie. Les scientifiques ont concentré leurs analyses sur ce qu'il nous reste d'eux, à savoir leurs os. Quand on y réalise des coupes et qu'on les examine au microscope, on observe sur ces os des lignes d'arrêt de croissance qui correspondent à des pauses dans le développement de l'animal. On peut ainsi lire, décomposer les étapes de vie de l'oiseau, un peu comme les cernes dans le bois des arbres. Ces coupes osseuses nous renseignent sur les périodes de mue. Pour renouveler leur plumage, les oiseaux puisent dans leur réserve de calcium, ce qui se traduit par l'apparition de petits trous dans la paroi de l'os. Grâce à ces indices, les scientifiques estiment que le début de la période de mue des dodos se situait juste après l'été austral, de novembre à mars, qui correspond au moment où le risque de cyclone est maximal. Ils se refaisaient ainsi une beauté après avoir essuyé les tempêtes et les disettes. Grâce à cette technique, les chercheurs ont également découvert quand avait lieu la ponte. Les femelles dodos créent en effet une réserve de calcium au moment de l'ovulation, car les coquilles de leurs œufs en ont besoin. Et ce n'est pas fini, les coupes permettent aussi de distinguer les dodos adultes des dodos juvéniles. Et oui, les jeunes oiseaux n'avaient pas tout à fait la même structure osseuse que les adultes. On a donc pu estimer leur cycle de vie sur une année, et par exemple découvrir que les bébés dodos, tout comme nos pigeons actuels, grandissaient très vite et atteignaient une taille comparable à celle de leurs parents en à peine 2 mois. Quand on sait les faire parler, les os ont des choses à raconter. Même si c'est difficile à croire vu sa popularité toujours d'actualité, le dodo a été peu à peu effacé des mémoires humaines entre son extinction autour de 1690 et l'année 1865. C'est à cette date que plusieurs restes fossiles sont extraits de la Mare aux Songes, un site archéologique extraordinaire de l'île Maurice, où l'on continue encore aujourd'hui de trouver de nouveaux ossements. 300 nouveaux spécimens de dodo y ont été découverts entre 2005 et 2011. Ces découvertes ont relancé l'intérêt pour l'animal et chaque musée d'histoire naturelle voulait le sien. De nos jours, on trouve des os de dodo éparpillés dans des musées tout autour du globe, mais les squelettes intacts sont rarissimes. La majorité de ceux conservés dans les musées sont en réalité des squelettes composites. Les os de différents individus sont assemblés façon puzzle pour tenter de recréer un animal complet. Et si certains os manquent, ils peuvent être moulés sur d'autres squelettes ou remplacés par des os appartenant à d'autres espèces d'oiseaux. C'est un sacré bazar. C'est d'ailleurs un spécimen de musée qui bouleverse la notoriété de notre dodo. Une tête et une patte momifiées sont visibles au muséum d'Oxford, un endroit souvent visité par un professeur de mathématiques quand il emmenait en promenade les filles du doyen de l'université Christchurch, Henry Liddell. Ce professeur de mathématiques, Charles Ludwig Dodgson, souffrait d'un léger bégaiement. Il s'identifiait à l'animal maladroit quand il butait sur son propre nom, Dodo Dodgson. L'histoire resterait anecdotique si, sur son temps libre, cet homme n'avait pas écrit l'un des plus grands succès de la littérature de jeunesse de tous les temps. Et oui, Charles Ludwig Dodgson n'est autre que Lewis Carroll, l'auteur des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Rappelez-vous, Alice rencontre le dodo en sortant de la mare aux larmes, et pour se sécher, elle entame une danse absurde où tous les participants tournent en rond. Le succès intemporel et international du livre est tel que tous les enfants connaissent le dodo, dont l'image s'ancre définitivement dans l'imaginaire collectif. Il s'est incarné jusqu'à nos jours dans des œuvres variées de la culture populaire. On le retrouve notamment sous les traits du Dirico, dans le livre Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, la créatrice d'Harry Potter. Cette créature, connue des moldus, les humains dénués de magie, est dotée du pouvoir de disparaître en cas de danger. On retrouve aussi une armée de dodos psychopathes, fans de pastèques, dans le dessin animé L'Âge de Glace, des studios Blue Sky, sorti en 2002. Deux dodos se sont même glissés dans le jeu vidéo Animal Crossing New Horizons, sorti en 2020 sur la console Nintendo Switch. Maurice et Rodrigue, baptisés d'après le nom des îles Maurice et Rodrigue, travaillent à l'aéroport pour accompagner Dodo Airlines. Notre dodo est donc toujours dans le coup. S'il a une allure débonnaire et une démarche amusante qui nous le rendent assurément sympathique, le dodo n'en reste pas moins l'emblème de nos échecs, le porte-drapeau des espèces animales qui payent le prix fort des colonisations humaines. Les tortues géantes de Maurice, Rodrigue et de la Réunion, le grand pingouin ou encore le couaga, une sous-espèce de zèbre de plaine dont seul l'avant du corps portait des rayures, ont tous disparu au XIXe siècle, quand Alice devenait un best-seller. Malheureusement, ces extinctions ne sont pas qu'un mauvais souvenir à conjuguer au passé. On pense bien sûr aux plus gros, aux plus charismatiques, aux plus beaux des animaux menacés actuellement. Le tigre, l'orang-outan, l'ours polaire ou l'éléphant. Mais quid du kakapo, ce perroquet vert de Nouvelle-Zélande non volant comme le dodo, dont il ne reste que 201 individus hautement surveillés. De Lara de Spix, le héros du dessin animé Rio, dont le dernier mâle vu à l'état sauvage a disparu en 2000. Ou encore de tous les petits marsupiaux australiens de la taille d'une souris, comme les différentes espèces d'antéchinus, dont la survie est menacée à chaque incendie. D'autres ont déjà disparu pour de bon, comme le Baiji, le dauphin de Chine déclaré officiellement éteint en 2007, la pipistrelle de l'île Christmas disparue en 2009, et son voisin géographique, le cygne de la forêt de l'île Christmas, un petit reptile également endémique de l'île, déclaré éteint en 2017. Avec l'explosion démographique humaine, nous sommes quand même près de 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, nos activités en constant développement qui mènent au réchauffement climatique, la faune et la flore qui nous entourent doivent se contenter de zones de plus en plus réduites. À nous de leur laisser la place nécessaire pour ne pas voir s'allonger la triste liste des condamnés. À peine revenu de l'île Maurice, je vous propose de nous transporter un poil plus au nord, dans les Ardennes, pour rencontrer notre invité d'aujourd'hui. Pierre Desommes, ancien instituteur et le créateur et l'illustrateur de La Hulotte, un journal naturaliste, le plus lu dans les terriers, qui enchante ses lecteurs depuis près de 50 ans. C'est parti. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver à Boult-au-Bois, hameau des Ardennes bien connu des naturalistes, pour rencontrer Pierre Desommes, fondateur du magazine La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Alors, je voulais savoir, pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore La Hulotte, est-ce que vous pouvez nous présenter le magazine et son contenu ? Alors, La Hulotte, c'est un journal qui s'adresse aux enfants en priorité, mais qui est également lu par beaucoup d'adultes, et dont le but est de faire connaître la faune et la flore, toute simple, qui se trouve autour de nous, auxquelles on ne fait pas forcément très attention, et de montrer comment ces animaux, ces plantes, ont une vie très riche, très compliquée, et comment leur rapport avec leur milieu est complexe et passionnant à étudier. Au tout départ, La Hulotte s'appelait La Hulotte des Ardennes et avait pour but de favoriser la création de clubs CPN, connaître et protéger la nature, et, vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, mais d'assurer la liaison entre ces différents clubs en publiant les courriers échangés entre écoles. Bien ça ? Entre écoles et entre clubs. Et entre clubs. C'est-à-dire qu'elle est née dans le cadre d'une association qui a vu le jour en 1970, si ma mémoire est bonne. On était des jeunes très, disons, inquiets, parce qu'on s'intéressait à la nature et on voyait déjà apparaître tous ces problèmes, non seulement la disparition de ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, qui était à l'œuvre sur une grande échelle, parce qu'on était à la fin des 30 glorieuses. Il y avait des travaux de destruction de marais, de destruction de haies, de remembrement, de déboisement. C'était une véritable catastrophe, et on voyait le milieu naturel disparaître à toute vitesse. Et puis on était aussi très conscients des problèmes globaux de pollution qui émergent aujourd'hui, qui sont déjà le réchauffement climatique. Il était là, il était identifié, dénoncé. Le problème des nitrates, de la pollution sous toutes ses formes et des disparitions des milieux. Donc on était extrêmement inquiets parce qu'à l'époque, personne ne s'y intéressait, mais personne. On n'entendait jamais parler de ces problèmes à la radio, à la télévision, encore moins. Et moi, je me souviens de la première émission qui traitait de l'écologie. C'était une émission de RTL par Jean Carlier, qui était quelqu'un de très motivé et de très conscientisé par l'écologie. Et c'était le 1er janvier 1970, la première fois que j'en entendais parler. Donc on a voulu faire une association pour protéger ce qui pouvait l'être dans notre département. Et comme on était un peu démunis et qu'on voyait bien que personne ne nous écoutait, ne s'intéressait à ce qu'on lui... On s'est dit, on va commencer avec les enfants. Parce que les enfants, on peut leur expliquer que quelque chose est beau, que quelque chose est passionnant. Ils ne vont pas forcément chercher l'utilité. Vous pouvez dire à un enfant qu'un arbre mérite de vivre. Et il le comprend tout de suite, parce qu'un arbre, c'est beau. Parce qu'une taupe, c'est rigolo, c'est intéressant. Et alors, vous n'avez pas besoin de leur dire « Ce renard, il n'attaque pas le gibier, mais ce renard, il mange des souris », ce qui est vrai, bien sûr. Il suffit qu'on dise « Un renard, c'est une belle bête, elle mérite de vivre », les enfants comprennent ça. Mais ils ne sont pas conscients, même à la campagne. Hein. Attention, les enfants de la campagne sont presque plus ignorants encore des choses qui les entourent que les enfants des villes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très frappant, répandu. Et donc on s'est dit, eh bien voilà, on va créer un centre d'initiation à la nature. Un centre où pourront venir les classes et où il y aura un naturaliste qui les emmènera dehors, dans les champs, le long des chemins, en forêt, dans les marais, parce qu'ici il y avait des marais qui n'étaient pas très loin. Et on a cherché un endroit pour mettre ce centre et c'était Boult-au-Bois. Voilà comment on est arrivé là. Parce qu'il y a une conjonction de milieux très riche. et une grande forêt domaniale où on a un libre accès très facilement. Et donc, dans le même temps, on a voulu créer des clubs, Club Connaître et Protéger la Nature, CPN, et on a lancé, avec l'Académie des Ardennes, un appel à création de clubs. Et pour faire connaître ces clubs, et avec l'idée que les enfants qui créeraient des clubs, on en attendait une centaine, on en avait beaucoup moins, mais enfin on en attendait une centaine, que les enfants enverraient des dessins, des comptes rendus d'expérience, des idées d'enquête, et puis du courrier qui correspondrait entre eux. Et voilà la naissance de l'Ulot. C'était pas du tout un journal. Il y avait juste une toute petite partie, peut-être, je dirais 20% d'informations sur les animaux, mais le reste, c'était de la communication entre clubs. Il y avait quand même déjà quelques clubs qui existaient. Et donc, on a lancé ce projet en janvier 72. Et ça n'a pas du tout été ce qu'on attendait, c'est-à-dire que des clubs, il y en a eu très peu. On en attendait une centaine. L'inspectrice de l'académie nous avait dit, écoutez, on va lancer ça dans les classes des Ardennes. Il y en a 1000 à peu près. Bon, attendez-vous un retour de 10%. On se disait, 10%, c'est pas terrible. Enfin, c'est tout. Et en fait, il n'y en a pas eu 10%. Je crois qu'on a eu 20 clubs. D'accord. C'était une très grosse déception. Mais en même temps, on a vu les abonnements s'envoler. Ça, c'était très bizarre. Les gens s'abonnaient et ils n'avaient pas aucune intention de faire des clubs. Alors, moi, c'est moi qui m'étais chargé de cette affaire dans l'association. J'étais instituteur à l'époque d'un petit village. Donc, une classe unique, c'est du boulot. Hein. C'est pas, on rigole pas. Et je me suis retrouvé avec un dilemme, c'est-à-dire que il fallait remplir les pages, puisqu'il n'y avait pas d'envoi des enfants. Bien sûr, pas compensé. Et remplir avec du rédactionnel, si je venais, des trucs sur les animaux, raconter la vie des animaux. Donc le journal, comme ça, a commencé à glisser d'un simple bulletin de liaison à un journal où il y avait du contenu, bon, où il fallait aller chercher des informations dessinées, et puis tirer le journal, parce qu'il était tiré à la Ronéo, c'est-à-dire la manivelle, hein. On a eu les pires ennuis au moment du tirage. Et donc, petit à petit, j'étais complètement débordé, ce qui fait qu'au mois de juin, j'étais obligé d'arrêter la classe. Je pouvais, j'y arrivais plus du tout. Donc ça, c'était combien de temps après le premier numéro? C'était 6 mois après. 6 mois. 6 mois après. Ouais. Le journal a commencé en janvier et en juin, on avait 800 abonnés. Bon, ce qui est dérisoire, mais enfin... C'est quand même rapide, 800 abonnés. C'était assez rapide. Ouais. Donc, on s'est dit, on ne peut pas arrêter ça. Moi, je n'arrivais plus à le faire. Donc, c'est tout. J'ai arrêté la classe à ce moment-là. Et le journal, les clubs ont commencé à se créer quand même, petit à petit, doucement. Et à un moment donné, on a pris la décision, je ne sais plus très bien à quelle époque, mais de séparer les deux choses, c'est-à-dire de recréer un journal de communication entre les clubs, de sorte que la Ulot ne s'est plus occupée que de donner des informations sur les plantes. Sur la faune et la flore. Ouais. Sur la faune et la flore. Et voilà comment les choses ont démarré. Mais les clubs CPN en tant que tels existent toujours, malgré tout. Existent toujours, bien sûr, mais oui, ils sont très répandus, très bien, oui, complètement. Donc, mais ils sont maintenant totalement, déjà depuis longtemps, indépendants de la Ulot. Alors qu'on a été vraiment dans la même association pendant peut-être, je dirais, 10 ans, quoi, à peu près. Donc c'est ce qu'on disait, donc premier numéro paru en 72, au bout de 6 mois, vous prenez la décision de vous y consacrer totalement. Complètement, oui. Et c'est vrai que moi je me demandais si c'était une décision qui avait été difficile à prendre, ou est-ce que rapidement vous vous êtes dit, bah voilà, il y a 800 abonnés, il y a de l'attente sur ce magazine, je ne peux pas arrêter, donc c'est la bonne chose à faire. Oui, c'est ce que je me suis dit, oui. j'avais envie de voir où ça irait. En fait, je n'ai jamais tellement fait de plan. Je me suis laissé toujours un peu guider par les choses, je ne me voyais pas arrêter ça. Mm. Bon, donc j'ai continué. Et puis les choses se sont développées sans trop que je me dise qu'est-ce qui va se passer, comment tout ça va finir en fait. Mais attention, c'était en 72, donc oui. Il n'y avait pas de chômage. Vous quittiez un boulot, vous en retrouviez un autre. Hein. J'avais obtenu un congé pour convenance personnelle, donc il avait donné droit à 2 ans. D'accord. C'était déjà un grand luxe. Après, ma situation était un peu compliquée. Au bout du compte, ça a fini par marcher quand même. Hein. Mais vous avez réussi finalement à ce que ça soit votre activité principale assez rapidement. Oui, tout à fait. Oui, parce que le journal, au début, c'était vraiment très difficile. Hein. Les 2 premières années, on n'était pas payé. Enfin, c'était vraiment très difficile. Mais bon, ça ne me posait pas vraiment de problème. Et puis, petit à petit, les abonnements augmentant, à un moment donné, il y a eu un équilibre financier qui était trouvé. Donc, le journal m'a payé et c'est devenu possible. Votre activité à plein temps, quoi. Mmh. Oui, en fait, le magazine, on ne l'a pas précisé, pour celles et ceux qui découvriraient La Hulotte, c'est qu'il n'a jamais été disponible en kiosque. Il est disponible uniquement sur abonnement. Et du coup, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir qu'au final, ce nombre d'abonnés a gonflé, enflé, juste grâce au bouche à oreille, finalement. Oui, pratiquement, oui. Et à la base, est-ce que vous avez eu des retours? Est-ce que ce sont des instituteurs, des institutrices qui ont... Des lecteurs. À un moment donné, on a vu arriver des tas d'abonnements de l'autre bout de la France, d'une ville qui s'appelait Péage de Roussillon. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe à Péage de Roussillon? C'est loin des Ardennes. C'est vraiment à l'autre bout des Ardennes, on peut dire. Et on voyait arriver des tas d'abonnements. Et c'était quelqu'un qui s'était pris de passion pour La Hulotte, là-bas, et qui recueillait des abonnements partout. Et voilà, c'est comme ça que le journal s'est propagé, s'est disséminé progressivement. Et c'est une autre question que je me posais aussi au début, enfin, même aujourd'hui, ça demande du travail, au niveau de la logistique, parce que concevoir les dessins, la travail de bibliographie, c'est vrai que c'est le cœur de votre travail, mais au début, il a bien fallu que vous choisissiez le papier, la typo, que vous trouviez un moyen d'imprimer et d'envoyer vos magazines. Est-ce que tout ça, vous l'avez fait seul au début? Vous êtes entouré? Comment est-ce que vous avez... Tout ça, c'est inventé progressivement, parce que oui, on est passé de la Roneo à l'Offset, qui était un saut invraisemblable. Et puis, après, on a pris le métier sur le tas, en fait, en grossissant. Mais par exemple, vous êtes toujours sous-traité, vous avez trouvé un imprimeur? Ah oui, oui, ça fait belle lurette qu'on n'imprime plus. Hein, depuis 70. Dès l'instant où on était en offset, on a fait appel à des imprimeurs. Maintenant, elle est imprimée sur rotative. Là, on a commencé avec le petit imprimeur de Vouziers, à 10 km d'ici, qui a imprimé La Hulotte pendant très très très longtemps, qui continue d'ailleurs à faire des rééditions. D'accord. Oui, parce que tous les numéros sont disponibles à la demande. Tous les numéros sont constamment réédités. Chaque nouveau numéro, vous le tirez à combien, par exemple? Alors, un numéro, ça doit être tiré à 160 000. Enfin, l'essentiel va partir chez les abonnés. Et puis, le reste va être servi aux nouveaux abonnés. Et puis, à ceux qui voudront réassortir. Racheter des numéros à la pièce. Et puis, parallèlement à ça, les numéros anciens, puisqu'on continue à vendre des numéros de 1972, etc., ces numéros-là sont réédités régulièrement. Mais combien de personnes se cachent sous les ailes de La Hulotte aujourd'hui? Alors, une équipe d'à peu près... Alors, il y a une équipe permanente. Et puis, au moment de sortie numéro, le courrier est multiplié par un facteur... Beaucoup. Considérable. Donc là, on doit faire appel à des CDD pour faire face à ce travail considérable et de courte durée, qui dure à peu près un mois et demi. Les opératrices de saisie pour saisir les commandes, les abonnements, paquets, etc. Non, les paquets ne sont pas préparés chez nous. D'accord. Enfin voilà, c'est une entreprise tout à fait ordinaire, ça n'a rien d'extraordinaire. Ben, oui, mais c'est vrai que c'est marrant de l'avoir vu grandir, que vous, au départ, qui étiez seul au RAM, si je puis dire, que maintenant ce soit plusieurs personnes qui travaillent à plein temps pour ce magazine qui est quand même auto-édité, et je trouve que c'est hors du commun quand même. Oui, c'est une très très bonne équipe, vraiment une équipe... formidable. Aussi, vous parliez de quelqu'un qui vous aidait pour la documentation. Oui. Ça, comment est-ce que... Un documentaliste, ouais. Claire, qui rassemble la documentation, qui la traite, qui fait ce travail de plan d'hôte dont je parlais tout à l'heure, de rassembler les informations et de les classer par thème en les numérotant, de façon à pouvoir se reporter ensuite très rapidement aux sources. Et puis, qui également répond au courrier des lecteurs. D'accord. Tous les techniques, qui assure une permanence téléphonique où elle répond aux questions précises, demandes de renseignements des lecteurs, plusieurs fois par semaine. Et puis, qui va ensuite, à qui je vais donner mon numéro à plusieurs stades, et qui va le corriger, le regarder tout ce qui ne va pas. Tous les moments où j'ai laissé parler un peu trop mon imagination, où j'ai un petit peu quitté la route. Et donc, elle va me cocher tout ça. Et après, on discute ensemble de tous ces points. On essaye de corriger, autant que faire se peut, tout ce qui peut être contestable dans la rédaction. Avec toujours cette difficulté de trouver un récit qui soit lisible, agréable, et en même temps qu'il soit toujours bien sourcé, solide, scientifique, inattaquable. On vous laisse ululer avec Entrain le temps d'une courte pause musicale. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Campus. To man, friend to the trees, no friend to the snowman. Where does he go? What does he do? Does he meet with the mole, the stream, the cloud, and end up at the bottom of the sea? Fish, he got a hook in his throat. She got problems. Where does he go? What does he do? Does he hope it's too small to bore a hall? Will end up being thrown back in the sea? I'm back in the sea. Too big to fly, dodo ugly, so dodo must die. Trop gros pour voler, dodo moche, donc dodo doit mourir. C'était, vous l'avez peut-être reconnu, la chanson Dodo du groupe Genesis. Vous êtes toujours sur Campus FM 94 FM dans la deuxième partie de l'émission du Nid de Pie. Et nous revoici avec notre invité Pierre Déhomme, créateur du magazine La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers. Est-ce que vous avez pu facilement avoir une visibilité sur qui sont vos lecteurs et vos lectrices ? Parce que j'imagine que vous, vous avez des noms de gens qui s'abonnent, mais est-ce que vous avez moyen d'évaluer à peu près aujourd'hui si c'est beaucoup des fidèles qui sont là depuis 20 ans, 30 ans ? Est-ce qu'il y a des nouveaux ? Est-ce qu'il y a des jeunes, des vieux ? Est-ce que vous avez un peu de retour là-dessus ou pas trop ? Très difficile parce qu'on ne fait pas d'études de marché, dans la mesure où dans les lots, il n'y a pas de publicité. Donc, on ne s'est jamais donné la peine de faire des études de marché. Les deux seuls moyens de savoir à peu près qui sont nos lecteurs, ce sont les gens qui notent leur âge sur les bulletins d'abonnement, tout le monde ne le fait pas. Et puis ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que vous pouvez avoir une mère de famille qui s'abonne et les enfants vont lire. Ou voilà. C'est vrai. La deuxième chose, c'est le courrier. Et dans le courrier, on voit vraiment tous les âges. Ça va du petit gamin ou de la petite fille de 10 ans, complètement passionnée, qui connaît tout sur tout déjà, qui est vraiment accro. Et qui fait des correspondances merveilleuses, hein, c'est vraiment passionnant, jusqu'à des personnes très âgées. On a réellement des abonnés de plus de 100 ans. Donc quand on dit qu'on a de 7 à 77 ans chez nous, c'est vrai. c'est vraiment vrai, c'est plus que ça, oui. Vous parlez du courrier des lecteurs. Est-ce que vous avez beaucoup d'interactions, soit par écrit, par mail? Il y a beaucoup de retours quand vous publiez un nouveau numéro? Il y a beaucoup d'échanges avec vos lecteurs? Oui, il y a beaucoup de courriers, alors ça peut être des réactions sur le numéro. D'accord. Hein. Donner son avis, genre j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Ou poser des questions, ou okay. Est-ce que vous avez cherché ce truc-là. Là, je vais raconter l'histoire du moineau qui avait fait un nid au fin fond d'une mine, hein, à 600 mètres de profondeur. Et j'ai eu la lettre d'un... Je suppose que c'est un syndicaliste, il m'a dit... vous avez dit que les moineaux avaient été abandonnés parce qu'il y avait une grève, d'où vous tenez ça ? Parce que moi, je suis allé voir le travail de l'anglais en question, ce massif. D'accord. Et j'ai pas vu ça. C'est vous qui l'avez inventé ou quoi? Vous voyez, jusqu'où vont le niveau des questions. Okay. Alors effectivement, il y a eu une grève. On avait trouvé l'information dans un autre écrit de Summer Smith. Et les mineurs qui s'occupaient de ces moineaux-là avec une bienveillance très touchante, ben, n'étaient plus au fond, donc les moineaux sont morts. Bon, mais voilà, c'est pas de leur faute. Bah oui, bien sûr, ils avaient d'autres combats à mener. Voilà le genre de courrier où il y a beaucoup de questions, puis il y a beaucoup de demandes de conseils ou d'avis sur ce que les gens peuvent avoir avec des oiseaux qui nichent chez eux, des problèmes qu'ils rencontrent avec telle ou telle espèce, des conseils pour poser des nichoirs, enfin voilà, c'est très très varié. Mais vous arrivez à tenir le rythme, parce que j'imagine que si vous avez une masse comme ça de courriers qui vous arrivent, ça doit prendre un temps infini. Ça prend du temps, c'est ma collaboratrice qui s'occupe du courrier, et non, on répond d'une façon vraiment très, très suivie, et sans grand problème. Et puis il y a toujours beaucoup de détails. C'est vrai qu'à la fin de chaque numéro, vous précisez toujours que l'intégralité de la bibliographie est disponible sur le site. La bibliographie est disponible sur le site Twitter. Donc tous les articles, c'est-à-dire que tout le détail y est, quoi. Même si on veut pinailler sur un détail, il y a toujours toutes les sources. Si vous voulez, quand je fais les textes, je... En voilà un, là. Je vais... Toutes les informations sont sourcées. C'est-à-dire qu'après chaque information, vous avez ces petits numéros qui renvoient à des classeurs. Par exemple, pour le moineau, il y a 4500 pages. Ce qui fait que s'il y a une contestation ou s'il y a un doute au moment où je travaille pour rendre le texte amusant, fluide, intéressant, etc., je suis obligé de m'écarter de l'information strictement scientifique, factuelle, sèche, etc., comme peut faire un chercheur quand il travaille. Je suis obligé d'interpréter sans m'écarter de la réalité. C'est la grande difficulté, c'est de faire un texte qui va être un peu comme une histoire, voire comme un conte. Ça m'est arrivé de raconter la vie, par exemple, du muscardin un peu sous forme de conte. C'est pas gênant, à condition que tout ce qui soit dit soit réellement vrai, soit sourcé. Donc là, je conserve les sources, ce qui me permet, en cas de doute, moindre doute, je peux retourner instantanément, parce qu'il suffit que j'aille chercher le cahier, je vais à la page, et j'ai même, pas le numéro de ligne, mais la zone de la page, je peux rechercher tout de suite. Et ça, c'est très important, c'est vraiment très précieux. Parce que ça donne une sécurité, c'est comme ça que j'ai retrouvé cet élément sur les mines. Et c'est, dans le texte que je vous montrais, je l'écris pour les auditeurs, il y a là on est aux notes 1742-1743, donc ça renvoie à un texte donné. Ça renvoie au premier travail que je vais faire avec mon assistante, qui est un plan note, c'est-à-dire elle va étudier tous les travaux, je les étudie de mon côté, et ces travaux-là, elle va les mettre dans un document qui est numéroté. Et donc là, quand on a les chiffres, des nombres à 4 chiffres, ça se rapporte à ce cahier. D'accord. Où les données sont rassemblées par thème. Parce qu'il y a aussi beaucoup de contradictions dans les travaux scientifiques. Bien sûr. Ne serait-ce que parce que la vie du moineau en Algérie, c'est pas la même que la vie du moineau en Finlande, pas du tout. Et puis, parce que le milieu n'est pas le même, le climat n'est pas le même, etc. Donc il faut arriver à partir du fatras, si j'ose dire, contradictoire. Puis les expériences donnent des résultats qui ne sont pas toujours les mêmes, qui sont quelquefois totalement différents. Tout à fait. Donc, toutes ces données-là sont rassemblées. Disons que c'est un moyen de travailler toutes ces contradictions regroupées et mises en synoptique, en fait. Donc, ça, c'est un document qui fait un paquet de pages. J'imagine bien. Mais ça veut dire que quand vous arrêtez un sujet, imaginons le moineau sur lequel vous avez travaillé dans les derniers numéros, est-ce que vous demandez à la personne qui vous assiste de trouver toutes les publications qui concernent le moineau en France? On va partir à la chasse aux documents, oui. Mais ça veut dire toutes les directions. Enfin, du moment que c'est le moineau, l'espèce. Non, pas dans toutes les directions. Par exemple, il y a des choses dont je sais que je ne parlerai pas. C'est phylogénétique, des choses comme ça, je n'en parlerai pas. Il y a des choses... il y a des tas de sujets qu'on va écarter d'emblée parce que je sais que je ne peux pas les traiter. Parce que soit ça ne va pas intéresser les enfants, soit c'est trop pointu. Déjà pour moi, donc quand j'ai du mal à comprendre quelque chose, je me doute qu'il y aura un problème avec les enfants. Mais par contre, tout ce qui va concerner l'éthologie, tout ce qui va concerner... la vie, tout ce qui est, voilà, les choses charnelles, etc. Ouais, c'est ça qui vous intéresse. Donc, on commence par éplucher les livres. Maintenant, on a quand même pas mal de livres. Hein, sur le Moineau, il y en avait plusieurs. Des livres très très bien faits, hein, comme le livre d'Olioso en France, les livres formidables de Saint-Narcisse en Angleterre, qui a passé sa vie entière à étudier Moineau, sa vie entière. Hein, c'est quand même extraordinaire. Et ensuite, on voit à peu près dans quelle direction on va aller. Et à ce moment-là, on part à la chasse des travaux scientifiques, pour toujours retourner aux sources. Et puis pour voir aussi ce qu'il y a de nouveau depuis la publication des bouquins. Ça peut être vieux de 15 ans, 20 ans, donc il y a forcément des choses nouvelles. Et donc à partir de ce moment-là, on va étudier tout ça, le traduire, il faut le traduire de toute façon. Si c'est en anglais. Oui. Et puis le référencer et construire le texte à partir de tous ces éléments, en essayant de trouver une cohérence et un fil, oui, hein, pour, un fil logique qui va permettre de construire un récit linéaire, fluide. Comment est-ce que vous faites pour trouver les scientifiques, les experts qui peuvent vous conseiller? Parce que des fois, il y a des sujets qui ne sont plus du tout à la mode. Il peut y avoir des scientifiques qui vont consacrer, comme vous le disiez, leur vie à étudier, mettons, le moineau dans les années 60, mais après, pendant 20 ans, il n'y a plus de spécialiste, en tout cas, qui est connu du grand public ou qui publie sur ce sujet-là. Donc comment est-ce que vous trouvez des gens qui vous conseillent? Vous avez des livres en anglais et en allemand, deux volumes à mes yeux qui sont incontournables, c'est le Cramp en anglais, pour les oiseaux, hein, je parle des oiseaux, parce que ça sera encore notre problème avec les mammifères, et puis ça devient très difficile avec les batraciens, poissons, etc. Mais puisqu'on parle d'oiseaux, le Cramp, c'est vraiment une synthèse, c'est un monument extraordinaire. Et donc là, dans ces volumes, vous avez tous les travaux sont cités, c'est-à-dire auteur, date. Donc si, sur un sujet qui n'a pas été revisité depuis 30 ans, vous arrivez à trouver cet auteur, vous pouvez trouver son travail, pas de souci. Alors donc, non, il n'y a pas de vraie difficulté pour trouver. On arrive toujours à trouver le fil, et puis après, quand vous faites rentrer des travaux scientifiques, vous avez des biblios. Oui, donc oui, les biblios, on peut remonter le temps aussi, les biblios. Moi, ça m'est arrivé pour l'escargot de trouver, en allant chercher dans une vieille publication, des choses qui n'étaient même plus connues des scientifiques aujourd'hui. C'est-à-dire un truc extraordinaire, c'est que les escargots sont capables de dissoudre la pierre et de créer des galeries dans des parois calcaires. Wow. Et ça, c'était quelque chose qui avait été observé dans les années 20, qui n'a plus intéressé personne. Et quand j'avais envoyé le numéro à une scientifique polonaise, elle m'a dit ça, je ne savais pas du tout. Et on l'a trouvé dans un vieux bouquin d'avant-guerre. Donc on peut remonter très très loin en arrière, hein, pour trouver les choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois d'avoir des choses actualisées. Mais moi j'ai déjà vu ça aussi, hein, des ouvrages. Par exemple, c'est vrai qu'il y avait une époque où on était très dans la description du comportement. Où on va décrire par exemple la parade, les postures d'un animal. Mmh. Et aujourd'hui, par exemple, dans la recherche académique, ça se fait de moins en moins. Ce qui est dommageable, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Mais c'est vrai que des fois, dans certains de vos magazines, vous avez abordé des animaux ou même des plantes qui sont parfois peu documentés. Je pense, l'amulette perlière ou le castor, qui est un animal très discret, qui est difficile à observer en nature. Mais bien étudié quand même. Hein. Oui, il est bien étudié, mais c'est vrai que je pense qu'il y a plus de gens dans les assos naturalistes que, par exemple, des chercheurs rattachés au muséum ou à un laboratoire de recherche. Vrai, oui. Et du coup, il n'y avait pas de castor en France. Hein. Il y avait juste une population résiduelle sur le Rhône. Bon, maintenant, tout est en train de changer, mais il a été quand même étudié. C'est vrai que c'était surtout des travaux canadiens. Mais dans ces cas-là, vous vous reportez sur, par exemple, si vous trouvez des publications au Canada, plutôt d'aller chercher... Il faut faire attention, parce que, voilà, le castor au Canada, le milieu n'est pas du tout le même. Hein. Ouais, complètement. Et les rapports ne sont pas du tout le même. Et là-bas, il y a des prédateurs naturels, ici, il n'y en a pas. Voilà, mais enfin, bon, sa vie et son système, le système du castor, qui est de construire des barrages parce qu'il refuse de s'éloigner à plus de 50 mètres de l'eau. De l'eau, ouais. Hein, c'est incroyable. Et que donc il faut qu'il étende l'eau pour pouvoir étendre son domaine, toujours cette zone refuge. Ça existe partout. Hein. C'est, voilà. Et bon, sinon, il y a des choses. Par exemple, je m'étais penché sur la cardère, cette plante qui ressemble à un chardon qui pousse au bord des chemins, qui m'avait intéressé. Je savais rien sur elle. Je savais que deux choses. D'abord, enfin, je savais qu'elle était très belle. Donc j'avais vraiment envie de la dessiner, parce que pour moi, c'est une merveille graphique. Et puis, je savais que c'était la plante qui avait servi à carder la laine autrefois, sauf que ce n'est pas du tout vrai, je n'ai jamais servi à carder la laine, pas cette espèce-là et pas pour ce travail-là, elle n'est pas du tout adaptée. Et donc j'ai cherché de la documentation sur cette cardère, je n'ai pas trouvé beaucoup. J'avais décidé d'abord, j'ai essayé de faire des observations, mais ça ne menait à rien, j'arrivais à rien voir. Et puis je suis tombé sur une scientifique canadienne qui a étudié l'invasion de la cardère au Canada. Parce que là, c'est une invasive là-bas. Et c'est la personne espèce. Ne comprenait comment elle arrivait à s'implanter et à gagner, je ne sais pas où elle en est maintenant. Donc. Elle a étudié le système de la cardère, qui est un système extraordinaire. Parce que la cardère, la première année, étale des feuilles, hein, elle pousse, pas en hauteur. Hein. La première année, c'est juste fabriquer une rosette de feuilles qui va faire le vide sous elle. Rien ne pousse. Incroyable. C'est aplati, c'est contre le sol. Elle nettoie le terrain, c'est la première année. Et en même temps, elle accumule des réserves pour l'année suivante, dont une énorme racine souterraine. Et voilà. Et l'année étant terminée, première phase, elle fane, c'est fini. Et l'année suivante, elle monte, mais comme une fusée. C'est extraordinaire à voir. En quelques semaines, elle atteint 2 mètres, 3 mètres de haut. Et donc là, elle va développer ces fameuses feuilles qui sont si belles, hein, qui forment des réservoirs. On appelle ça les cabarets des oiseaux, même si les oiseaux ne vont pas trop y boire. Mais voilà, c'est une plante très très belle. Et puis elle va mettre ses fleurs à bonne hauteur, 1,50 m, 2 mètres, plus encore. Hein. Et puis là, les graines tombent. Et en dessous, il y a une plage toute propre qui qu'elle est disponible. Elle va pouvoir. Les graines vont pouvoir, en tout cas un certain nombre, vont pouvoir germer à son juste pied sur un terrain nettoyé. Incroyable. Et donc c'est comme ça que vous avez quelquefois des colonies de cardères. Moi je me posais la question, comment c'est possible de voir toutes ces cardères à certains endroits? Et donc là on a l'explication. Avec ce mais système j'aurais de nettoyage. J'aurais pu travailler, enfin observer pendant 20 ans, j'aurais rien vu. Elle a fait ça méthodiquement, et donc là j'avais mon numéro, et même mes deux numéros en fait. Parce que c'est complètement passionnant de montrer comment une plante à cette stratégie, entre guillemets, hein, je mets deux guillemets, bien sûr, c'est pas pensé, mais enfin, au bout du compte, le résultat est là. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Et ça veut dire, parce que là, donc, c'est vous qui l'avez trouvé, cette scientifique, mais est-ce que ça arrive aussi que certains vous contactent, je sais pas, quelqu'un qui est passionné de mouettes, oui, bien sûr. Qui vous oui. dise, vous n'avez pas envie bien de faire sûr, oui, une tout à fait, tout à fait. Oui, on a des propositions régulièrement, oui. Vous devriez parler de telle espèce, si vous voulez, je vous aide, les gens sont très gentils, on a vraiment des très bons contacts avec les scientifiques. Bon, c'est pas toujours possible parce que d'abord il y a plein de sujets en cours sur lesquels on a déjà passé beaucoup de temps à travailler, donc il faut faire les choses quand même dans l'ordre. Et puis tout ne sera pas forcément intéressant pour les enfants. Il ne faut pas que ça soit trop compliqué, il ne faut pas que les espèces... il faut qu'elles aient quelque chose à dire aussi, qu'elles illustrent un problème, qu'elles illustrent une adaptation, une difficulté de survie, enfin voilà. Il faut qu'il y ait quelque part... la hulotte ne traite jamais des grands sujets comme les marais, par exemple, ça on ne le fait pas. Mais on va pouvoir peut-être parler d'une plante des marais, on va peut-être parler de la phragmite, ce serait intéressant, enfin le phragmite, et montrer sa stratégie à lui aussi, les difficultés qu'il peut avoir à subsister, les problèmes de défrichement de marais, etc. Voilà, on va pouvoir en parler à cette occasion-là. Mais vous partez d'une Mais espèce. On va partir d'une espèce. Et est-ce que c'est vraiment ça qui prévaut en fait? C'est au final c'est l'histoire, c'est l'effet scientifique qui vous guide pour choisir l'espèce que vous voulez mettre en avant. Ou est-ce qu'il y a aussi la volonté, je sais pas, peut-être une affection particulière pour une espèce, l'envie de dessiner. Vous parliez des feuilles graphiques que vous aviez envie d'illustrer. Mmh. Qu'est-ce qui va pousser? Au départ, je dirais, voilà. C'est le coup de cœur. C'est le coup de cœur. Un coup de cœur, uniquement un coup de cœur. J'avais entendu les grues passer. Je me suis dit, il faut que j'en parle, c'est trop beau. Voilà. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir à raconter? J'en savais rien, mais je savais que j'allais en parler. Que... Enfin, moi, je ne trouve qu'il n'y avait rien à dire de particulier. Donc, je vais partir comme ça. Quelquefois, je vais partir sur un sujet qui peut intéresser les gens et moi, pas du tout. D'accord. C'est ce qui s'est passé avec le moineau. Ok. J'aimais pas du tout le moineau. C'est un animal énervant pour plein de gens. Et j'étais bagueur, et les bagueurs n'aiment pas les moineaux. Parce que d'abord, c'était à l'époque interdit de baguer les moineaux. Les moineaux étaient hors liste. Parce qu'il y en avait trop, ou parce que c'était pas intéressant? Parce qu'on considérait qu'on savait tous que ce serait une bestiole, qu'il n'y avait rien à apprendre, qu'il migrait pas, et voilà. Et d'ailleurs, quand les moineaux ont commencé à disparaître, parce que vous savez qu'ils sont dans une situation très compliquée, eh bien, on a cherché désespérément des comptages de moineaux. Il n'y en avait pas. Personne ne s'était jamais intéressé à compter les moineaux. Il a fallu aller rechercher des comptages qui avaient été faits dans les années 1920 par deux jeunes de 20 ans qui avaient compté les oiseaux de Kensington Garden à Londres, ouais. Et qui avaient noté tous les oiseaux, vraiment des ornithos méthodiques. Et c'est le seul comptage qu'on ait eu sur pratiquement un demi-siècle de moineaux. Et ils ont refait le même comptage en 2000, je crois, tournant des années 2000, pour s'apercevoir que la population s'était effondrée. On était passé de plusieurs centaines à, je crois, une toute petite troupe de peut-être 8 moineaux. En région parisienne, voilà. Notamment, c'était mais c'est pareil, affolant, ouais. C'est pareil dans toutes les capitales. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai commencé à documenter le moineau pour remplir 20 pages. J'avais 20 pages à remplir, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, je vais faire le moineau, il n'y a rien à dire. Ça sera bouclé. Et puis, en étudiant le moineau, je me suis aperçu que c'était un animal extraordinaire. Mais vraiment, j'en suis tombé amoureux. Mais vraiment, hein. Ça m'a changé complètement la vision que je pouvais avoir de cette petite bête. Et là, j'ai trouvé de quoi remplir deux numéros. Mais ça m'arrive assez régulièrement, ça. Alors, ça a posé d'autres problèmes parce que fallait pousser les murs, exactement. Mais oui, donc ça veut dire qu'au final, c'est venu comme ça. Vous avez creusé et l'envie est venue. Voilà, et il y a de plus en plus de choses à dire. Il a des aventures invraisemblables. Enfin, je veux dire, c'est déjà un oiseau incroyable dans la mesure où c'est le seul animal à ma connaissance qui a réussi à domestiquer l'homme. C'est-à-dire que l'homme travaille pour lui sans aucune contrepartie. Ni son champ, ni sa beauté, il ne sert à peu près à rien, sauf peut-être à glaner quelques pucerons pour nourrir ses jeunes. C'est à peu près la seule utilité qu'on peut lui trouver. Et d'ailleurs, à la campagne, il est tout à fait détesté. Hein, ça. C'est vrai ? Ah oui. Pourtant, alors, on pourrait dire qu'il ne fait pas de mal à grand monde. Quoi. Ben si, parce que il allait. Parce que moi, je vous parle aussi d'une époque qui n'existe plus. Moi, je vous parle de l'époque où j'avais 20 ans, où j'allais baguer des hirondelles dans les fermes à l'ancienne. C'est-à-dire, il y avait encore des greniers à blé dans beaucoup de fermes. Alors, les moineaux, ils arrivent à entrer partout. Donc, les greniers à blé viennent manger et ils viennent aussi laisser toute leur salissure. Donc, il faut se mettre à leur place. C'était pas forcément très drôle. Et ils me disaient, quand j'arrivais, attention, hein, aux hirondelles, hein, vous faites pas de mal aux hirondelles. Les hirondelles, c'est des oiseaux sacrés, la campagne. Mais les moineaux pouvaient tous apprendre. Hein. C'est drôle, j'aurais pas pensé du tout. Que, en ville, les moineaux sont aimés. Bah parce que ça fait les urbains, les citadins, c'est des petits oiseaux qui voient tous les coins de rue. Oui. Et puis ils les voient de près, parce que les moineaux sont familiers. À la campagne, ils ne se laissent pas approcher. Ils sont très, très méfiants, très farouches. Et donc, c'est vrai que quand un oiseau vous fuit, c'est moins sympathique que quand il vient manger les miettes sur votre table, sur votre terrasse. Ou à des fois, on peut leur reprocher d'être trop collants, hein, parce que c'est vrai que des fois, ils sont un petit peu envahissants, mais non, Alors, c'est aussi une question que je voulais vous poser. Est-ce que c'est vrai que chaque numéro vous demande plusieurs mois de travail ? En général, il y a un voire deux numéros qui sortent par an. Est-ce que vous planifiez plusieurs numéros en parallèle et vous travaillez sur un avec des idées pour les autres ? Ou est-ce que vous faites vraiment un numéro complet et vous enchaînez sur le suivant une fois le numéro fini ? Alors, c'est les deux. Je n'ai pas de numéros en chantier au niveau de la fabrication. Par contre, au niveau de la documentation, oui. C'est un travail qui se fait en C'est-à-dire en que Claire est déjà en train de travailler sur des sujets, quelquefois qui sont complètement documentés d'ailleurs, pour les prochains numéros. Et donc moi, je travaille aussi sur ces sujets-là parce que je travaille en parallèle avec elle sur la documentation. Mais pour la fabrication du numéro, c'est-à-dire la création du texte, la mise en page, les dessins, etc. Non, j'en ai un et un seul. À la fois. Mais ça veut dire que quand un numéro sort, vous savez déjà sur quoi porteront les deux, trois, quatre prochains numéros à venir. Le 2, 3, 4 prochains, non. Mais le prochain, oui. D'accord. Oui. Donc il y a quand même toujours... Enfin, oui, sauf accident. Comme le moineau qui comme s'est étendu exactement, voilà. sur plus long que prévu. Mais ça veut dire que... Par exemple, le moineau, le moineau, il a nécessité une très grosse documentation. Et donc, du coup, au lieu de passer, j'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, j'étais obligé de faire la documentation pour deux numéros. Et le texte pour deux numéros, parce que le texte y est fait déjà. Et donc, forcément, il y a des mois qui se sont passés en retard. Et donc, le numéro n'a pas pu paraître à la date qui était prévue. C'est ce qui donne des années sans numéro. Voilà. Alors donc, À cause de ça, il y a évidemment des incidents chaotiques. Les numéros ne sortent pas. Quelquefois, ben, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, oui, donc ils ne sortent pas. Mais ça fait partie, enfin, c'est la formule de la hulotte. Les numéros sortent. Ils sortent toujours. Quand ils sont prêts et, voilà. Et quand ils sont voilà, contrôlés, terminés, nickel. Voilà. Et puis ça fait deux fois plus de matière, parce que voilà, au lieu d'avoir un numéro, vous en faites oui, deux. Oui, c'est ça. On rattrapera évidemment après. On rattrapera le temps qui était perdu, mais enfin, la parution n'aura pas eu lieu dans les temps imaginés. Mais vous calez quand même une sorte de calendrier où vous avez des dates, vraiment celles que vous espérez respecter, ou vraiment vous voyez selon le travail qui reste à faire, vous dites bon, là. Il y a des moments où on ne peut pas envoyer les numéros parce qu'ils seront perdus, c'est les vacances, c'est pas possible. Il faut toujours qu'il y ait un numéro en novembre, décembre. Et puis, les bonnes années, on en fait un au printemps. Voilà. Donc là, celui-là est sorti il y a un mois à peu près. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, une bonne année. Donc, il y a quand même, oui, c'est ça. Et j'ai regardé un petit peu toutes les publications. Au final, vous essayez de tout explorer. Il y a aussi bien de l'amphibien, de l'oiseau, du reptile, des plantes. Vous n'avez pas de taxon coup de cœur. Au final, vous essayez à chaque fois d'alterner un petit peu. J'essaye d'alterner, oui. Ça, c'est un de mes objectifs et des critères de choix, oui. D'essayer d'explorer les différentes catégories, oui. Et est-ce que vous avez une attirance particulière pour certains animaux, par exemple ceux qui ont besoin, au contraire, qu'on les remette un peu dans la lumière ? Tout m'intéresse. Hein. Ceux qui me passionnent le plus, c'est les araignées. Ça, c'est sûr. Pourtant, elles sont pas souvent appréciées dans les habitations. Bon, d'abord... Alors, il faut déjà... les araignées, c'est pas seulement les araignées des habitations. Hein. C'est pas les plus jolies, hein, je le reconnais. Encore que quand vous commencez à les regarder avec une loupe... Hein, vous voyez les choses très différemment. Parce que vous n'imagineriez pas aller regarder les oiseaux sans jumelles. C'est vrai. Pas très passionnant. Et les petites bêtes, et les fleurs, il faut les regarder avec une loupe. Une loupe à fort grossissement, 3, 6, 9. Et là, ça devient quelque chose, ça devient féerique. Regarder une fleur avec une petite loupe à fort grossissement, c'est du velours, c'est des couleurs merveilleuses, c'est des arrangements de rayures, de taches, c'est sublime, vraiment sublime. Et ça, c'est un grand plaisir. Et les araignées, c'est pareil. Les araignées, elles ont des couleurs, les araignées sauvages, beaucoup d'araignées sauvages, des couleurs fluorescentes, des dessins des magnifiques, des dessins... Je sais pas, c'est extraordinaire, les figures qui sont sur les abdomens des araignées. Puis les araignées sauteuses, elles sont très mignonnes, avec leurs gros yeux et les saltiques. Oui. Ben en plus, c'est des bêtes de science-fiction. Si vous vous mettez à leur échelle, c'est extraordinaire. Non, vraiment, c'est passionnant. Et leurs modes de chasse sont passionnants. Elles ont plein de techniques, elles ont plein de pièges, une inventivité diabolique. C'est passionnant, vraiment passionnant. Donc j'ai préparé pendant très longtemps deux numéros spéciaux sur les toiles géométriques, en essayant de trouver une clé qui n'existait pas d'ailleurs, mais enfin bon, pour apprendre à reconnaître une toile géométrique d'après le nombre de rayons, la configuration de la spirale, enfin toute une série de choses. C'était vraiment très, très intéressant. Et ça, pour le coup, vous avez eu des retours ? Parce que je me dis, l'araignée, vu que ce n'est pas un animal très populaire, est-ce que les lecteurs, lectrices plaints ? C'est l'avantage. Moi, mon bonheur, c'est quand je reçois une lettre qui dit « Je n'aimais pas telle bête, j'ai lu la note et maintenant je trouve ça formidable. » Et on a eu une lettre d'une lectrice qui a dit « J'ai pas pu lire votre numéro araignées, c'est que j'ai une phobie des araignées, je ne peux pas les voir. » J'ai demandé à mon mari de scanner le numéro et d'enlever les images. C'est incroyable. Et donc, elle a lu, elle s'est intéressée, mais sans les voir, parce que c'était... C'était trop dur, mais elle a quand même eu la motivation. Mais elle a eu la motivation de lire, oui. Et ça, c'est une belle victoire, ça veut dire qu'elle a poussé... c'est un très beau compliment. Bon. Non, je trouve ça, c'est merveilleux. Donc, il y a des animaux que vous avez des fois traités, parce que certains numéros anciens, vous traitiez plusieurs animaux dans le même numéro. Oui. Donc, c'était pas aussi poussé que, par exemple, le numéro double sur la taupe, où vous avez fait 90 pages sur l'animal. Est-ce que vous avez envie, parfois, de reprendre un animal ou une plante que vous avez déjà traité et de recreuser, d'aller plus loin ? ou vous préférez traiter des sujets totalement nouveaux que vous n'avez pas du tout étudiés? Alors, ça me tend très bien de refaire. Par exemple, je ne cache pas que je voudrais bien refaire un numéro sur la pile. Je ne peux que vous encourager. Mais je pense que je ne vais pas le faire, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'autres sujets à faire. C'est un peu dommage de l'avoir expédié en quelques... Après, c'est un des premiers numéros, c'est le 16e, je crois. Ouais. Je pense que je le referais très différemment aujourd'hui, mais bon, on a 1000 autres sujets, et voilà, c'est tout. Donc, aller de l'avant, faire de nouvelles choses et développer davantage. Et pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire, sans révéler bien sûr les prochains numéros, quel animal ou quelle plante vous aimeriez mettre à l'honneur dans un futur fantasmé? Est-ce qu'il y en a que vous n'avez encore jamais traité, que vous aimeriez traiter un jour? Que ce soit pour creuser des faits un peu particuliers ou pour les illustrer et les passer à la loupe. Oui, par exemple, j'aimerais bien parler du loup. Un sujet en plus brûlant. Un sujet plus que brûlant, incandescent. Mais compliqué aussi, parce que c'est pas simple du tout, le loup. C'est très compliqué. Donc je recule pour l'instant devant l'énormité de la doc. Puis la complexité, parce que... pas un problème simple au niveau des réponses. Et voilà, ça c'est un truc qui me plairait, oui, bien sûr. Après, vous me prenez un peu dépourvu, je sais pas. Non, mais il y a beaucoup de sujets qui sont en route. Mais je veux pas gâcher la surprise des prochains numéros. Non, pas du tout. J'aimerais bien parler du hêtre, par exemple, de cet arbre-là. Ça aussi, c'est dans les cartons, mais voilà. Et ben, plein de nouveaux projets qu'on a hâte d'avoir dans un futur plus ou moins proche. En tout cas, merci beaucoup, Pierre Deshommes, pour votre confiance. C'était un plaisir. Vous en doutez, quand on a la chance de pouvoir parler avec Pierre Deshommes, on devient bavard comme une pie. Je vous propose donc de poursuivre l'interview dans notre prochain numéro. La suite arrive bientôt, promis. On finit comme d'habitude par quelques conseils lecture. Le magazine La Hulotte, dont le numéro 112 vient de paraître dédié au Merle Noir et que je vous recommande chaudement, j'aimerais pour conclure cette émission vous proposer quelques lectures complémentaires. Cette chronique sur le dodo a largement été inspirée par le numéro 27 du magazine Espèce, une revue d'histoire naturelle essentielle, dirigée par Cécile Breton. Cette publication naturaliste, précise et exigeante, présente les dernières recherches en matière de sciences naturelles, botanique, zoologie, paléontologie, taxonomie et géologie. Il y est souvent mis à l'honneur des articles autour de l'histoire des sciences, et l'on y découvre régulièrement le portrait d'hommes et femmes scientifiques bien souvent méconnus. Richement illustrée, la revue fait aussi la part belle à l'humour, grâce notamment à la chronique de Raymond Lebousier, illustrée par Arnaud Raphaëlian. Le dernier numéro, sorti en kiosque en décembre 2021, est le numéro 42. Il met à l'honneur les colonies de Guimau de Brunic, l'Okapi, le colonialisme, ou encore le concept de biodiversité et son utilité potentielle. Vous pouvez commander tous les anciens numéros publiés ces 10 dernières années et lire des articles en complément de la revue sur leur site espèces avec un s.org. Si comme moi vous n'aviez jamais entendu parler du loup de Honshu, car oui, il y avait des loups au Japon, de la perruche de paradis, de la souris de Gould ou des grenouilles harlequins, il vous faut vous procurer le livre « Bestiaire disparu, histoire de la dernière extinction » de Luc Semal. Ce grand et beau livre de 170 pages est paru aux éditions Plume de Carotte et s'inscrit dans leur collection des bestiaires et des herbiers. Sur chaque double page, une espèce disparue vous est présentée avec une page de texte à gauche et une photo à droite d'un spécimen tel qu'on pourrait l'observer dans la réserve d'un musée. L'auteur présente des animaux bien connus comme le dodo, le tilacine ou le couaga, mais, et c'est ce qui m'a séduit, il met aussi en avant quantité d'animaux méconnus tombés dans l'oubli, aux histoires pourtant incroyables. On nous offre ainsi une plongée glaçante mais aussi nécessaire dans l'histoire des extinctions. Incontournable comme tout le reste de la collection qui est absolument splendide.